La deuxième partie, c'est dans quelques minutes. Président Bandakani, je voudrais que vous soyez, si vous pouvez, pour le besoin de nos téléspectateurs, puissiez donner la, peut-être pas la quintessence, mais de sortir définitivement de cette plateforme avec quelque chose d'important pour les Africains. J'ai peur de vous donner un canevas de réflexion. Je voudrais juste que vous puissiez nous permettre, sur le cas burkinabé, quand on parle effectivement de cas d'ingérence, on a là un cas flagrant d'ingérence de la part de la France qui se permet quand même de laisser une unité d'élite résider dans un pays sans un véritable cadre juridique. Il a failli la clairvoyance du capitaine Ibrahim Traoré pour sonner le glas de cette imposture de la France pour permettre effectivement à son pays de se débarrasser, on va dire, de ces mercenaires-là. Qu'est-ce qu'on doit en dire? Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Historiquement, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les panafricanistes sérieux, dès le départ de cette aventure, nous avons dit à la France de dégager ses bases militaires à l'Afrique. Il y a 10 ans, 12 ans, c'était de la folie de le dire. Mais si vous pouvez retrouver les anciennes vidéos où j'avais dit aux Français, ok, on va. Ces bases militaires ne devront pas être dégagées du continent africain. On avait appelé plusieurs fois à ce départ. À l'époque, quand ces appels paraissaient des appels, je veux rester poli, c'est moli. On se moquait de nous, on disait c'est un fou. Nous sommes des marabouts. Voilà, des fous, des malades. Demandez au départ, mais aujourd'hui, on est où? On est où? Vous ne comprenez rien à cette histoire-ci. Si vous ne cherchez pas à comprendre pourquoi il y aurait des bases militaires françaises sur le continent. Les bases militaires françaises n'ont pas pris pied sur le continent africain pour assurer la sécurité des Africains. Je pense que c'est rappeler ça vraiment, c'est faire comme si les Africains ne réfléchissent pas. Les bases militaires n'ont pas été installées pour faire la sécurité des Africains. Elles n'ont pas été installées pour promouvoir une coopération militaire qui pouvait perfectionner les capacités de nos armées. Elles ne sont pas là parce que ça devait faire la promotion du continent africain, des intérêts africains. Si les bases militaires françaises, vous ne citez que ces bases militaires françaises, ne sont pas là pour les objectifs que je viens de citer. La question est simple. Elles sont là pour quoi? Elles sont là pour quoi? Pour protéger les intérêts français. D'ailleurs, ils le disent officiellement, ils ne cachent même pas. Ils ne cachent même pas. Et c'est quoi les intérêts français en Afrique? C'est quoi l'intérêt français en Afrique si ce n'est pas de maintenir, n'est-ce pas, la colonisation? Si ce n'est pas de perpétuer la colonisation? Si ce n'est pas de s'assurer que les États africains ne s'émancipent pas? Comment on fait pour qu'un État ne s'émancipe pas dans le cadre géopolitique? Dans des conditions comme celle-ci, on fait ce qu'on a toujours fait avant, même si les modalités à l'apparence changent. On fait la même chose. Diviser pour mieux régner, affaiblir les États. Affaiblir les États, confisquer les richesses et les ressources, de manière à laisser les populations dans une situation exsangue. Et de ce fait-là, il n'est pas possible de construire la moindre dynamique de développement parce qu'il y a le chaos qui s'installe. Il n'est pas possible de fédérer les gens autour d'un discours cohérent parce que l'émiettement de la société, du fait, n'est-ce pas, de l'accentuation de la pauvreté organisée, n'est-ce pas, fait que il est difficile de construire une véritable dynamique. Mais c'est aussi élémentaire que ça. Alors, il se passe quoi beaucoup la France? C'est la même chose. Vous pouvez m'expliquer comment est-ce que la France dit avoir de la coopération avec le Burkina Faso, que c'est un partenariat, que c'est un pays frère, c'est un pays ami. Dites-moi comment vous faites dans un pays où vous avez 400 forces spéciales stationnées dans le cadre de l'opération Sable. C'est-à-dire que le pays, subitement, se retrouve avec plus de la moitié de son territoire dans les mains des terroristes. Et vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Vous dites que non, vraiment, nos militaires, on est la coopération militaire. Ça fait rire. Ça fait rire. Dès que ça a commencé au Burkina, nous avons dit ici que c'est la France. Est-ce qu'on nous cache? On dit que c'est la France. Et des militaires burkinabés l'ont dit. Il y a des rapports d'état-major qui le disent, qui ont mis sur la table des présidents qui ont précédé, n'est-ce pas, le capitaine Traoré, que mais voilà ce que nous avons sous la main, qu'est-ce qu'on fait? Mais, vous ne pouvez pas demander à un sous-préfet français, quelqu'un qui a été un salaud pouvoir faire la France, qui ne jure que par la France, et là, je ne parle même pas de Blaise Compaoré, je parle de ses successeurs. Blaise Compaoré, son cas est clair. Tous ces gens-là, n'est-ce pas, qui obéissent à la France au bout du doigt, de venir, n'est-ce pas, prendre des mesures visant à donner aux militaires les capacités de faire le travail. Je vous ai dit ici que le développement du terrorisme au Burkina Faso, si ça rentre dans le cadre d'une stratégie globale de colonisation de l'Afrique par le Sahel, mais de manière particulière pour le Burkina Faso, ça se déclenche en coïncidant avec la découverte, une fois de plus, d'immenses richesses au Burkina Faso, que ce soit en termes de pétrole, en termes d'autres minéraux. Extraordinaire. Et vous allez bien observer que les zones qui sont le plus touchées par le terrorisme, allez voir ce qu'on a découvert là-bas. Exact. Ça, c'est compliqué. On ne peut pas se fatiguer. Bon, c'est vrai que la pédagogie, un bon pédagogue se répète tout le temps. Mais au moment donné, on est fatigué de dire la même chose. On ne peut pas changer de dire ça parce qu'on veut faire plaisir à quelqu'un. C'est la vérité. Alors, vous croyez qu'un colonel, un militaire, un chef d'État comme celui-là qui vient d'arriver au pouvoir, peut se lever un matin, il demande, entre guillemets, à un ami historique, il dit bien entre guillemets, à un ami historique, qu'enlève tes forces spéciales de mon territoire comme ça sur une main. Je vous pose la question. C'est quand même, c'est pas une petite décision. Le fait de dire qu'enlève-moi tes forces que ça là, oui, un mois, enlève-les. Vous croyez que c'est pas de l'humeur, c'est pas une fanfaronnade. Non. Il sait, il a les éléments. Il sait pourquoi. Il sait que ces forces spéciales là, vraiment, sont les agents propagateurs du terrorisme dans son pays. Il le sait, même s'il ne le dit pas. Il y a des symboles qu'un président, les actes symboliques qu'un président pose, ça nous d'interpréter. Depuis que ce monsieur arrive au pouvoir, la seule sortie qu'il a fait, il a fait une seule sortie jusqu'à présent. C'est où? Le Mali. Au Mali. Vous ne bloquez pas le comment? La seule sortie du capitaine Traoré, c'est Traoré, le capitaine Traoré. Mais c'est au Mali. Il est rentré, il est resté chez lui. Il va bouger depuis. C'est tout. Oh, son prédécesseur, il a commencé le tour du monde. C'est la vie de bête. Il a commencé le tour du monde. Pour faire la diversion. Et pour nous amener comparé dans le pays. Violant tous les principes moraux, les lois, violant tout. Obligeant le corps des magistrats à faire une déclaration pour dire que bon, au monde entier, pardon, on existe, c'est pas le Burkina Faso, hein. Si le président est devenu fou, nous on dit quand même que bon, nous on fait ça pour l'histoire. Ouais. Donc on fait une déclaration pour dire que vraiment. Donc, il y a des actes qu'un président pose, il faut analyser. Bon, les Français peuvent bavarder. Je pense que c'est la même là. Vous voyez, ils ont tellement bavardé sur la manipulation russe que même ils se rendent compte que bon, à un moment donné, ça devient fatigant. Que c'est la question de Burkina Faso, le langage est un peu plus. Ils disent, oui, on ne nous a pas chassés. On est parti de nous-mêmes. Nous avons rappelé notre ambassadeur, pour qu'on a la consultation, mais on ne l'a pas chassé. Et puis ça n'a pas été violent comme avait le Mali. Avec le Mali, mais pourquoi? C'est un profil bas. C'est un profil bas. Pourquoi le profil est bas? Parce que la France sait très bien qu'il ne faut pas qu'elle ait sous la main deux dossiers brûlants. Brûlants pourquoi? Au niveau de l'information stratégique, si le Burkina vient faire comme le Mali, dit que bon, nous on va aller à l'ONU maintenant présenter encore les preuves que c'est vous, nous avons les preuves, c'est vous qui êtes derrière cette affaire. Parce que la France ne peut pas faire ce qu'elle fait au Mali et faire le contrôle au Burkina Faso. Parce que dans la géopolitique de la sous-région, c'est le même territoire pour eux. Tout à fait. Pour eux, c'est le même territoire. C'est la France, le Mali, le Burkina, le Niger, tout ça pour eux, c'est le même territoire. Quand ils disent Sahel, ils parlent de tous les pays là. Qu'est-ce qu'il dit pas de ça? Donc vous croyez qu'elle va faire ce qu'elle fait au Mali? C'est différent, c'est qu'elle fait? Qu'elle fait au Burkina Faso? Allons-y rapidement. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Ouais. C'est une onde de choc qui va passer. C'est une onde qui va continuer. Mm-hmm. Nous avons dit dès le départ aux Français, enlevez vos bases militaires en Afrique. Mm-hmm. C'est aussi vrai pour les Américains qui pensent qu'ils sont des super puissants. Il y en a même qui disent que non. Ne parlez pas d'eux, ils sont trop forts. Ils sont trop forts de quoi? De quoi? C'est quoi? Ils sont trop forts de quoi? Qui font seulement de ne pas voir ce qui arrive aux Français? Même les Américains vont subir le même sort. Le même sort. Aucune base militaire ne va rester en Afrique si elle ne sert pas les intérêts des Africains. Et c'est pas dans le cadre des intérêts africains. Aucune base militaire ne va rester sur ce continent. Nous l'avons dit à la France il y a 10 ans. Ouais, voilà là où on arrive. Nous félicitons le capitaine. Toi, merci. Nous lui apportons tout notre soutien. Mm-hmm. Un seul mot. Monsieur le capitaine, continuez. C'est tout. Nous, on vous regarde. Ne faites pas comme Namiba. Continuez. Afrique Média, le monde, c'est nous.